D'après les dépêches de Séoul, des professeurs de l'université de Gyeongbu, le conseil d'actualité de Chungnam, constitué de 54 formations civiles et sociales de la province du Chungcheong du Sud, la Confédération nationale des syndicats ouvriers démocratiques, ainsi que la population et des formations de tous les paliers sud-coréens ont rendu public successivement le 27 des manifestes et déclarations d'actualité pour juger à tout prix la traîtresse Park Geun-hye qui a amené la Corée du Sud à la pire crise sans précédent par ses corruptions, incompétences et ignorances. Par ailleurs, la Direction de lutte pour la mobilisation générale de la population 2016 a accordé le 28 à Séoul une conférence de presse pour proclamer le commencement de l'action urgente et inviter toute la population de tout le pays à mettre un terme au pouvoir de Park Geun-hye par la mobilisation générale de la population et la résistance prévue le 12 novembre. Il faut noter que d'après le sondage réalisé depuis le 24 jusqu'au 26 courant, la popularité de Park Geun-hye était rabattue à 17,5%. Elle est tombée jusqu'à 14% le 28 octobre.